a des flatkés qui traînent sur scène. Et on débranche les projecteurs quand sa vie n'est plus mise en scène. Ça lui fait peur, tous ses douze amis qu'il aime seront partis dans la semaine. Dans sa loge, des photos, des pleurs, une certaine image du bonheur. Il fait le vide dans sa tête. Il fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner, sûr que le blues est inventé pour lui cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui l'ont toujours aimé. Il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande qui il est. Abandonné, oui, abandonné, et la fille qu'il attend, qu'il aime comme un enfant, sans qu'il parle, elle comprend. Sa vie, oh, comme c'est bon d'être heureux. Oh, comme c'est bon d'oublier que tellement de lumière, ça peut faire mal aux yeux. Et ça fait le vide dans sa tête. Oui, ça fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner, sûr que le blues est inventé pour lui cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande qui il est. Abandonné, oui, abandonné, tant pis s'il faut payer d'avoir toujours donné. C'est bon, mais il le sait, de s'être abandonné. Vivre, c'est partager. Vivre, c'est aimer. Jamais abandonné. Vivre, c'est partager. Jamais abandonné. Hey! Jamais abandonné. Hey! Jamais abandonné. Vivre, c'est partager. Jamais abandonner.